Oh, mes amis. Oh, je suis dans la merde. Figurez-vous que Valérie a été acceptée à son examen qu'il passait à l'académie. Oh, moi, je m'étais pas méfié. Je croyais que c'était juste un examen d'urine à l'académie de médecine, comme tous les ans. Eh ben, pas du tout. C'était pour rentrer à l'académie française. Oh, maintenant, il va faire partie de ceux qui décident des mots qui rentrent ou des mots qui sortent du dictionnaire. Ah, fallait le voir, le bourg, hier après-midi, quand il a reçu son diplôme. Oh, il frimait comme un étudiant qui vomit son premier schnapps. Il a fait un discours de 18 heures devant les vieux. J'ai cru qu'ils allaient crever d'ennui. Oh, tenez, vous avez de la chance. J'ai un extrait de la bande. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier mes parents pour m'avoir permis de faire des études. Aussi, remercier ma sœur de m'avoir humilié sur mon physique, ce qui m'a poussé à faire encore plus d'études. Remercier également le chien de mes grands-parents, qui m'empêchait de sortir de ma chambre, ce qui m'a fait étudier encore plus. Oh, des remerciements qui ont duré une bonne heure et demie, hein. Et puis, il a évoqué la beauté de la langue française. Je suis d'autant plus touché par cette nomination à l'Académie que j'adore la langue française. Alors je l'aime au point que mes heures perdues, et je me surprends à composer des petits poèmes sans prétention. D'ailleurs, si vous m'y autorisez, je vous en livrerai quelques extraits. Oh, poésie française, qui bien souvent me met à l'aise, laisse-moi une fois te rendre hommage en noircissant ces quelques pages. Oh, oh l'enfer, ça a duré 3h20. Et puis il a fait une pause pipi de 2h, et il est revenu. Je suis d'autant plus content que longtemps et souvent j'ai considéré que le mélange des générations ne pouvait qu'enrichir cette magnifique langue. Je suis assez fier d'avoir composé ces quelques vers que je pourrais qualifier de contemporains. Salut les cums, alors ça roule, moi c'est Valérie, j'ai pas les boules. Moi je kiffe d'être à l'académie, ça paye sa chatte, mes petits habits. Alors je vous épargne le passage où il s'est mis à danser façon hip-hop avec son bicorne à l'envers, hein. Ce qui, vous l'avouerez, est ridicule. Oh, il s'est mis à rapper même, c'était embarrassant. Yo, yo, brother, les académiciens, je suis dans la place, ça va être bien, je vais vous fourguer des expressions, ça va vous exploser le fion. Oh, par la suite, il a voulu démontrer à ses collègues qu'il était toujours en forme, le bougre. Pour ce faire, il a fait 2 pompes. Une fois réanimé par le SAMU, il a dit « Merci pour tout, maintenant allons boire un verre à la chanter de la langue française ». Alors c'est là que ça s'est gâté. On a eu droit à une petite coupette de champagne et c'est tout. Le médecin de l'académie était là, il m'a dit que c'était le maximum que les académiciens pouvaient supporter sans risque de faire une embolie pulmonaire. Ah, heureusement, j'avais dans ma poche une bouteille de 7 litres de schnapps. En cas d'urgence, j'ai toujours ma petite réserve. Je l'ai vidé cul sec et évidemment, ce qui devait arriver est arrivé. J'ai fait pipi sur tous les vieux. Et puis je suis parti. Voilà, allez, au revoir.